C'est le livre des hindous, je ne savais pas en fait. Voilà. Ouais, ouais. Et après. Ça parle de quoi, les Bhagavad Gita pour ça parle de la sagesse et sagesse et spiritualité. Ouais. C'est le dialogue entre. Comment il s'appelle le prince, c'est pas. Comment il s'appelle le personnage du Bhagavad Gita, ouais. Et encore, là où encore c'est plus surprenant, c'est que mon nom de famille, en fait, c'est le même nom que le gars qui a créé la Bhagavad Gita. Ouais. En fait, c'est le même nom. C'est quoi comme nom? Jésus-Das. Jésus-Das. Waouh. Et en fait, c'est ça, ouais. Bon, j'ai pas envie de chanter, je me sens mal à l'aise là. En fait, je chante vraiment. Oui, vas-y, on a besoin de ta voix là, ici, bon, le métanoïa. Ça fait longtemps qu'on n'entend pas ta voix. Tu vas à Capella comme ça, hein, tu sais. À Capella, ouais, chante. Ouais, voilà, ok. Là, c'est Vincent Black de retour sur Métanoïa. Les gars détestent le gouvernement. Et ces méfaits ne cessent d'orchestrer notre déclin. Jusqu'au pays lointain, le mal ne cesse de triompher. Les idées reçues blessent les héros de ma ville. L'eau, la terre, les mers, les villes entières, ils détruisent tout sur leur passage. Jusqu'en Amazonie, les peuples la souffrent, c'est l'agonie. Les enfants meurent en bas âge. Ça gêne certains, pendant que d'autres s'en battent les reins. Ça change rien à notre train quotidien. Leur indifférence agace, mais que veux-tu y faire? Sinon, réussir à quitter le terre-terre pour Evoli. Arriver l'âge qui ferait ma vie. Ce sera l'extase, l'apothéose, enfin, je crois. En tout cas, ce sera autre chose. Mais faut quitter le 9-3 car ça craint. Mais faut quitter le 9-3 car si c'est pas os, mais ça craint. Les petits embrouillent avec cran, les grands deals et partent en tôle. Ça rapporte pas, ils ont pas de société écran aux îles Caïmans. Ceux-là partent longtemps. Et l'élite paie la juge pour que la justice soit clémente à son égard. Vu que l'extérieur, ça rend perplexe, ça choque, ça égare. Et personne comme ça, deux en tôle comme ça, perd son temps à marcher dans un couloir à Yep. Pendant que les riches jouent en 4-4, en 2-4-6, on se dit parfois qu'on pourrait les rejoindre et construire ensemble un monde meilleur. Comme les politiciens pour être élus. Plus personne n'y croit depuis des lustres. Les événements l'illustrent. On parle beaucoup d'essentiel et beaucoup passe à côté de la vie. Sans autre alternative, c'est fait exprès et tombe dans l'engrenage du filet. Voilà. Ouais. Bien. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire à part ça? Prends le micro, Bastien. Prends ce micro là, s'il te plaît. Non, reste Vincent avec ça. Tu prends le micro 2. Oh, je sais pas. Mais tu sais que cette chanson, ça fait 10 ans. Micro. En fait, ça fait 10 ans qu'il est prêt sur Internet, il est enregistré. Ouais. Et ça fait 8 mois que j'ai mis sur Internet, en fait. Ah oui. Ça fait 10 j'avais mois 12, que t'avais mis en sur fait, Internet. 12, en fait. Sur... 12 ans. Ah oui. 11 ans. Tu fais de la musique depuis combien de temps? Depuis que j'ai 17 ans. Ah, depuis que t'as 17 ans, c'est ça? Ah oui. Ça fait 28 ans. 28 ans. Ben oui. Tu vas faire la musique toute ta vie, j'imagine. En fait, on était un groupe, on était 4, en fait. Ouais. Et on croyait qu'on allait percer quand on avait 20 ans, en 98. Ouais. Et en fait, on n'a pas percé. Chacun, on est de notre côté. Et on a tous continué à faire de la musique. Ah oui, fait. C'est voilà. Ça le truc. Hein. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, je commençais très jeune, d'un groupe qui a 30 ans. Ouais, ouais. Ah, il y avait un groupe qui avait 30 ans. J'ai commencé à jouer à 14 ans. Et on a fait 30 ans de musique ensemble. Ah, vous avez 30 ans de musique ensemble. Ouais. Tu vois, parce que tu commences à 14 ans, ça va vite, hein. Tu as commencé à quel âge, toi? 15 ans? Non, à 17 ans. Avant, 17. Je sais pas, ouais. 17 ans. Toi, tu fais la musique depuis quel âge, Tania? Depuis que je suis petite, mais je me suis vraiment mis dedans depuis mes 18 ans. Mais oui, voilà, ah, tu t'es mis dedans pendant tes 18 ans avec ta communion? Absolument. Pas forcément avec ma communion, mais seule. Voilà. Bon, non, voilà, donc bienvenue. Super, Vincent, d'entendre. Micro. Ouais, j'ai appris récemment quelque chose, mais je sais pas si c'est vrai. Il y a une personne qui m'a fait comprendre qu'il y a des gens qui connaissent toute ma musique dans d'autres pays, et ils me connaissent tous en fait. Mais je sais pas si c'est vrai parce que ce qu'il y a en fait, c'est qu'ils ont. J'ai plein d'amis en fait qui m'ont filmé sur le web en fait. Oui. Tu sais, sur le truc où on filme quelqu'un et on le met dans. C'est les petits jeunes qui savent faire ça. Ils mettent les trucs sur Internet, le Snapchat ou les trucs comme ça en fait, ouais. Ou WhatsApp. Et en fait, ça va dans d'autres pays en fait, quoi. Ouais, mais maintenant avec la communication, ça va partout. Ouais. Là, nous, on passe sur Pinot, il y a des gens de toute la planète qui nous écoutent. Hein. Ah ouais. Ouais. Bon, moi, je vais y aller là. non, mais toute la planète, j'exagère. Enfin, c'est pas beaucoup de monde, mais. En tout cas, si je deviens célèbre, ça me ferait vraiment flipper, quoi. Non, mais ça va, tu es prêt. Si, ça fait vraiment. Tu deviens célèbre, tu viens nous signer un autographe, tu nous invites au resto, tu prends un avion, on va tous à te voir à Pondichéry. Parce qu'en fait, quand j'étais jeune, oui. je croyais des choses qui étaient fausses. Je croyais qu'être riche ou être. Moi, je suis pas riche, j'ai que la côte d'Europe, mais je crois que devenir riche, c'était quelque chose de différent de ce que je sais maintenant, en fait, quoi. Ouais. Moi, ah, c'était quelque chose de différent de ce que tu voyais maintenant, avant, c'est ça ? Avant, moi, quand j'avais 22 ans, 23, mon père me prenait tout le temps la tête pour Choaris, quoi. Il ouais. était jamais content. Il voulait que je fasse une première S, alors après, j'ai fait une première de commerce. Ouais. Et en fait, il voulait que je sois riche, quoi. Ouais. Il me disait, regarde celui-là, il est milliardaire, regarde celui-là, il est milliardaire. Parce qu'en Inde, en fait, il y en a beaucoup dans la rue où on habite, en fait. Ouais. Des gens très riches. Dans la rue, dans un truc. Donc lui, c'est son univers à lui, quoi, en fait, quoi. Ouais, moi, c'est son problème à lui, c'est pas les tiens. Et moi, je pensais que c'était cool que tu habites dans une grande maison et que c'était bien, quoi. Et après, récemment, après, il y a 5-6 ans, je me suis associé avec des gens pour essayer de devenir riche. Encore maintenant, quoi. On essaye. Et là, maintenant, je me dis, ah ouais, c'est ça. Le voisin d'en face, en fait, de quand on était en Inde, c'est une anecdote, quoi. C'est, en fait, c'est un gars, en fait, il est riche, quoi. Et là, il vient d'avoir le cancer de la prostate, quoi. Parce qu'il a tellement de pression qu'il boit et fume la clope, quoi. Oui, c'est ça. Des fois, on passe la vie à essayer de trouver l'argent et puis après, on tombe malade et on n'a pas le temps de profiter. Donc, il vaut mieux avoir pas autant d'argent, mais être plus heureux. En tout cas, je sais juste que les gens qui sont bien dans leur peau, vraiment bien dans leur tête, c'est des gens qui sont pas qui veulent pas des grandes choses, en fait, quoi. C'est ça. Ouais. Alors, super, hein, Vincent, toi, que tu sois là. Inaltino, tu voulais dire quelque chose ? Prends ton micro, là. Micro, non, micro. Non, je voulais juste une chanson que... J'étais au GEM, je voulais le passer, j'ai pas eu le temps de le passer parce qu'il y avait quelqu'un sur l'ordinateur. Parce que là, je vais aller dormir. Oui. Je suis fatigué. T'es fatigué ? Ouais. Ça fait trop de voyages ? Ouais, trop de voyages et voilà. Donc si tu peux me passer de la musique. Oui, quelle musique tu veux ? C'est juste une Timberlake. Il faut que tu me dises comment ça s'écrit sur. J. J. U. Attends, hop. J-U. U-S. E-S. U-S. U-S. J-U-S. Justine. Justine Timberlake. Ah, Timberlake, je connais ces mecs-là, non ? Timberlake. Futuring, tu écris juste F. F. F-A-I-T. F-A-I-T. F-A-I-T. Ah, featuring, ouais. Featuring, c'est F-E-A-T, oui. Ah, hein ? Oui. T-I. T-I. On va voir si ça va apparaître. On va voir si ça marche là. C'est ça ? Celle-là. La deuxième ? Celle-là, non. La première ? Ouais. Ok. Tu vas chanter avec ? Non, je ne vais pas chanter, je vais juste écouter. Bah, tu veux chanter un peu quand même. On est métanoïaque là. On chante ? Mais oui, il faut se lancer là. Hey. Let me kick it to you right quick. Vas-y, vas-y. Explique-nous la chanson. C'est des versets de la Bible qui conduit les morts vers la mort et les vies vers la vie. Ah oui. Attends, ouais. C'est un peu lent là, désolé ça, la connexion. Big feel. Voilà. It's for you, Pepe. To a group of suckers who get their hate on. Damn. You walk by, they get wrong. You reply, then things get blown. Way out of proportion, way past discussion. Just you against them, pick one, you ain't rushing. Maybe you'll get jumped, yeah, that's next. So? They don't wanna stop, there, now they busting. Now you gushing. Amalan rushing you to the hospital with a bad concussion. Plus you hit four times, really hit your spine. Paralyzed way down, now your wheelchair bound. Never mind that now, you lucky to be alive. Just think it all started, you fussing with three guys. Nigga, pride in the way, but your pride is the way you can mess around, get shot, die in the day. People die every day, all over nonsense. Dirty money, dice games, stash box contents. Could this be cause of hip hop music? Did the ones with the good sense not use it? Usually, people don't know what to do when they're back against the wall, so they just start shooting. For red or for blue or for dough, I guess. From Bankhead up to your project. Ain't no more straight, now I'm straight. Now I get it, now I take. Time to think before I make mistakes just for my family's sake. That part of me left yesterday. The heart of me is strong today. No regrets, I'm blessed to say. The old me dead and gone away. I lived through tragic situations, could have been there looking back at it. Most of that stuff didn't even have to happen, but you don't think about it when you're out there trapping in apartments, hanging, smoking and rapping. Sucker starts on next thing you know, we at it. Get locked up, then didn't even get mad. Now thinking back, damn, what a life I had. Most of that stuff look back, just laugh. Some stuff still look back, get sad. Maybe my homeboy still be around, had I not hit the sucker in the mouth that time. I won that fight, I lost that war. I can still see my homie walking out that door. Man, who'd have thought I'd never see for lunch no more? Got enough dead homies, I don't want no more. I had to pay with the job, but it cost me more. I should've walked off, took that loss for sure. Now think before I risk my life, take them chances to get my stripes. Somebody put their hands on me, alright. Otherwise, stand there, talk all night. Cause I hit you, and you sue me. I shoot you, get locked up, who me? No more strength, now I'm straight. Now I get it, now I take. Time to think before I make mistakes, just for my family's sake. That part of me left yesterday. The heart of me is strong today. No regrets, I'm blessed to say. The old me dead and gone away. I've been traveling on this road too long. Just trying to find my way back home. The old me is dead and gone, dead and gone. And oh, I've been traveling on this road too long. Just trying to find my way back home. The old me is dead and gone, dead and gone. I turn my head to the east. I don't see nobody by my side. I turn my head to the west. Still nobody inside. So I turn my head to the north. Swallow that pill that they call pride. That old man's dead and gone, but that new me'll be alright. Oui, super. Merci Naltino de nous amener ça. Attends, quelqu'un qui aide à Naltino à mettre son bracelet parce qu'il a un bracelet d'or plaqué au nord avec des... Quoi ? Deux, oui, c'est vrai, deux bracelets au nord. Sûrement qu'ils viennent de je ne sais pas quelle planète dans ses voyages interstellaires. Oui, parce qu'Naltino, il voyage lui, hein. Et bon, on va écouter. Et peut-être Tania, est-ce que tu peux mettre un peu le Tania, Tessa, tu peux mettre un peu le micro pour Fofanata qui va nous interpréter un solo de. Tu en as deux d'ailleurs. Tu peut-être tu peux lui mettre l'autre à côté comme ça. Elle en a deux. Merci Tessa. Désolé, mais je suis un peu au contrôle. Je peux battre tous les. Merci Tessa. Super. Fofanata. Et j'oublie toujours ton nom, ton prénom. Je connais Fofanata et l'autre c'est. J'oublie. Fatoumata. Fatoumata et. Fofana Fatoumata s'il veut, viens. Mais sinon, il peut changer de nom parce qu'on est là à la radio et on peut changer de nom. C'est quoi comme micro ? C'est le. Les trois. Merci. On est sur Métanoïac. Voilà, on est là. Et on est. Et Tania, tu veux chanter autre chose? Tu veux? Vas-y, tu me dis ce que je veux mettre là. N-A. Donc, prépare le micro comme ça. Espace. N-A, espace. L-I. L-I. N. N. G-I. G-I. Espace. Espace. Yo. Yo, c'est ça, hein? Ouais. De Naling, voilà. Yo. Lequel de tous? Mais bah, Rotsman. Non, en haut. Il faut mettre Dinamwana. Ça? Ouais, mais il faut aller par. Ah, pardon. Naling, Yo. Dinamwana. Attends. Dinamwana. C'est quel pays, cette musique, là? C'est quel... au Congo. Au Congo. Salut les amis du Congo qui nous écoutent, Metanoïac. Ah oui, il vient du Congo. Votre prénom, c'est quoi? Daniel. Merci, Daniel. Dena Mguana, on va aller au Congo aussi, on va voyager. Et paroles. Lyrics, tu veux en anglais? C'est en lingala. En lingala, tu chantes lingala? Oui. Dis donc, après, là, tu es un expert, là, dis. Attends, les talents ici, c'est... c'est tu vois, lui, il va y aller, là. Bon. C'est content de te voir, là, Tania. Ça fait longtemps qu'on n'est pas là. Et puis, c'est vrai que votre voix nous manquait à Metanoïa. Et on y va. C'est la première. Et attends, est-ce que je mets ces plaies? On va voir si ça peut marcher. No. c'est émouvant. C'est voix émouvant. Ouais. Merci. Ça, c'est émouvant, ouais. Ça parle de quoi les... Bah, déjà, quand on dit Nalingio, c'est je t'aime, et Kolo Nalingio, c'est Seigneur, je t'aime. C'est ouais. En fait, cette chanson, c'est en fait, on montre notre amour pour le Seigneur. Oui, on a. Attends, tu peux présenter, monsieur, là. Oui, je ne sais pas comment il s'appelle. Tu veux poser la question parce qu'il vient du Congo. Oui, monsieur, vous venez du Congo. Ça vous a plu, cette musique? C'était émouvant pour vous? Daniel, c'est ça? C'est ça. Il a dit son nom. Oui, je suis ému, là. C'est vraiment, c'est touchant. Je l'ai entendu c'est souvent à la radio, cette chanson. Et là, comme ça, en direct, c'est... Moi, je suis... C'est une chanson que j'aime énormément. Qui est très, très belle et surtout... qui est chanté par quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, hein, qui chante bien. Franchement, je suis ému, bravo. Merci. Bravo. Mmh. Après, je chante souvent en lingala, par exemple, je chante Mon meilleur ami de Rosny Kabila. Waouh, c'est... Celle-là, je la chante, mais... On peut l'écouter, celle-là? C'est ça. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Très belle. Moi, je vais faire un truc sur l'amitié. Vas-y, parle. On s'entraîne, hein, parce que le direct, c'est dans une demi-heure. Hein, c'est pas le direct. Ça, c'est l'entraîne. Je vais faire un truc sur l'amitié au direct. Oui, mais tu peux... D'accord, mais je peux... Les... Tu t'es là, tu répètes, en ce moment, c'est la répétition. Tu vois. On croit connaître bien les gens, mais en fait, on ne les connaît pas. On a des amis, ils t'aident, et toi, quand tu essaies de les aider, ils te rabaissent, te laissent tomber, ils ne comprennent pas. En fait, toi, ils t'aident, mais toi, quand tu essaies de les aider, ils t'insultent, ils te rabaissent. C'est quoi ton prénom? Ton prénom déjà? Christiana, alors moi, je vais te le dire. Les gens, quand tu les aides, ils sont avec toi. Mais après, quand toi, tu as besoin d'aide, il n'y a plus personne. Et ceux qui te rabaissent et qui ne sont pas là pour toi, ce ne sont pas des vrais amis. Les vrais amis sont là pour toi quand tu ne vas pas bien et quand tu vas bien aussi. Quand toi, tu les aides et que toi, tu as besoin d'aide, ils sont là. S'ils ne sont pas là, c'est que ce ne sont pas des bons amis. Voilà. Je suis philosophe aujourd'hui. Oui. Oui. Bah, c'est vrai. Quand toi tu aides les gens et qu'après faut qu'en retour t'as rien, bah c'est que ils en valent pas la peine. Tu trouveras mieux ailleurs. Un jour tu tomberas sur une personne qui sera vraiment là pour toi. Et ça serait une vraie amie. Oui. Mais... T'es d'accord avec Freddy? Oui. Non, c'est bon, j'ai que ça à dire. C'est super, ça, c'est tous les interludes musicaux comment s'appelle ça, le vibraphone, le xylophone, c'est Fofanata. Et ton prénom, c'est Fatoumata. Et le prénom, j'ai un Alzheimer trop tôt. Attends, merci. Alors, monsieur, allez-y, on vous écoute sur Metanoia. Alors, c'est bon? Oui. Bon, on est 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec moi. J'espère qu'on est tous des majeurs. Je ne sais pas quel âge est cette fille, je ne sais pas quel âge elle est. Ça, j'ai 20 ans. T'es majeur. Bon, j'ai répété ça trop souvent que j'ai joué à mes figures. C'est mon domaine. Le foot, c'est mon domaine. Il dansait. J'ai perdu. Pourquoi Ça va, on peut pleurer aussi, hein. C'est pas grave si on pleure. On a le droit de pleurer. Désolé, tu n'aimes pas voir les gens pleurer? Si, on n'a pas pleuré. Hein. Bon. J'ai sa femme, pourquoi je pleure? Vous pouvez pleurer, il n'y a pas de souci. Hein. Pas seul. Pas seul. Pas seul. Oh, pleurer. Vous pleurez, pourquoi? Vous sentez seul? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, il y a quelqu'un qui nous a mal à la radio même. Mais je ne sais pas qui c'est. Vous pouvez rappeler la personne qui a appelé. Attends. Ça va aller, d'accord? Oui, oui, vous pouvez. Mais en même temps, on peut pleurer. Il n'y a pas de souci. Hein. Les hommes pleurent aussi. Vous pouvez pleurer. Ici, on peut chanter, on peut pleurer, on peut rire. Merci. Parler de ma vie à tout le monde. J'ai gagné une merde d'un million d'euros. Toute ma famille est derrière moi. Vous comprenez? Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont oublié certaines choses. Ma mère, ouais. Sœur, pure d'une sang, était au Cap-Vert. Elle s'est mariée pour être au Cap-Vert. Ouais. Bon, j'ai joué à Benfica à cette époque. Mm-hmm. Le président de Benfica m'a dit, j'aime, tu veux aller au Cap-Vert? Il m'a dit oui. Je ne connaissais pas Cap-Vert. Il m'a donné un passeport et d'argent. Une pièce d'identité et d'argent. Oui. Il y avait Après, j'habitais chez un teneur, un big boy de foot. Oui. Sa femme, d'après ce qu'on dit, ce que j'écoutais, c'était une femme de joie. Vous comprenez? Une femme que voit son corps. Parle un peu plus fort parce que sinon j'aurais du mal. Une femme de joie. Oui. C'est une femme qui fait ce qu'elle veut de son corps. Oui. C'est le plus vieux métier du monde que j'ai entendu dire. Mm-hmm. Vous comprenez ce que je veux dire? Mm-hmm. Bon, j'ai tout parlé de ça. Bon. Je peux chanter, je peux danser, c'est comme vous voulez. Oui. Mais d'abord, je fais un discours. Allez-y, faites un discours. Le premier pays que je connais, quand je suis parti chez moi, c'est Portugal. Mm-hmm. Je suis arrivé, j'ai dit merde. C'est ça, Cap-Vert. J'ai fait la comparaison. Mmh. D'où je viens et d'où j'arrive. Mmh. Après, j'ai écouté toute la télévision. À 5 ans, j'ai déjà vu tous les films. J'étais toujours avec ma mère au cinéma. Elle était vendeuse. Et moi, j'ai amené de l'eau. Et le mec me s'est toujours entré. C'est très, très compliqué, ma vie. Oui. C'est une femme qui m'a sauvé la vie. Une femme qui m'a sauvé la vie. Elle est à Rotterdam. Elle ne veut pas me parler. Oui, bon, mais ça arrive hein, des fois à pleurer, mais on va. Merci de s'ouvrir à nous et à la radio et raconter des choses. C'est pas évident des fois, mais la vie, ça arrive. Hein. Et sa soeur, on se parle souvent. Mm-hmm. Vous entendez? Oui, j'entends là, oui. Moi et sa soeur, cette femme. Oui. On s'appelle souvent. Vous appelez souvent, oui. Je vais chez elle, il y a tout ce qu'il faut qu'elle me donne. Je me fais très bien. Mais elle me dit, j'aime. Quand tu penses, un jour elle m'a dit, quand tu penses avoir quelqu'un avec toi. Oui. J'étais seul à ce moment, je pense. Elle est venue en France, avec une fête, un baptême, je crois. C'est la dernière fois que j'ai eu en France. C'est un ami. Ma mère est morte. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas venue. Pas venue enterrement de ma mère. Je suis allé à son fils. Enterrement de son fils. Bon. Peut-être que tu vas chanter un petit peu. Oui, on va continuer en tout cas. Et puis le live, on est à 25 minutes de direct. On n'est pas encore commencé à transmettre en direct. On se prépare. Et peut-être on va mettre un peu. Tu veux parler quelque chose, Christina? Tu veux dire un truc? Ce monsieur m'attriste. J'aime pas voir les gens pleurer. Je suis très sensible. Quand ils pleurent, je préfère pas le regarder. Parce qu'après, je vais pleurer moi aussi. On pourrait faire un morceau quand on pleure tous en même temps comme ça. Ça peut faire une chorale. Oui, allez-y, allez-y. Je ne sais même pas le nom du président. Je ne veux pas savoir. Oui. Président de Cap-Vert. Ni le Premier ministre. OK. Moi, je connais une... J'ai sorti avec une amie que sa soeur est au gouvernement. Tout le monde connaît à Praia. Tout le monde se connaît. Je vais en vacances. Je trouve la pute, excusez-moi, la pute qui est chez moi. Elle me raconte sa vie, qu'elle voulait se tuer. Elle parle de mal de sa mère. Maintenant qu'elle a tous les papiers, elle se fout de moi. Vous voyez ? Je la tue, je jure. On a fait un tout cas. Ça fait combien d'années que vous avez vécu ça ? Ça fait longtemps, ça. Pourquoi ? Que vous avez vécu cette histoire avec cette femme. C'est la merde de l'auto, 2015. D'accord, ça fait 7 ans, quoi. J'ai brûlé 5 pascal dans une oreille. Oui. 1500 euros. J'ai brûlé. Oui, il bon, faut passer des fois aussi autre chose. Hein. C'est pas... C'est... Il faut la prison. Oui, oui, non, mais des fois aussi, quand on dit, on passe à autre chose. Voilà, et là on va... en tout cas, merci. Vous pouvez continuer à raconter. Ouais, allez prendre un peu d'eau. Et là, on va reprendre une chanson avec Tania, et qu'on a la chance que le là. Et on va mettre Ross Nikaiva, qui s'appelle Mon meilleur ami. En quelle langue, c'est ça ? En français et en lingala. En français et en lingala. Voilà. Aujourd'hui, c'est très lingala. Voilà. Et maintenant que les Français se sont fait virer de l'Afrique, voilà. Donc on peut chanter. Hein. C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même, j'ai perdu des proches. Surmonter la dépression. Pour me consoler. Et mon meilleur ami. Mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami. Boninga nanga ya motema, akoti zanga na famia bonzambe. Nabete loli solo ya kamarade nangai. Azala kali susu kamarade te akoma na ye famina nga eh. Il est mon meilleur ami eh. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus eh. Mon meilleur ami, mon meilleur ami eh. Jésus mon meilleur ami eh. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Sokiote mon ninganga et mon ninganga yadengonyo so Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur. Pampangana yo to sal na masolo ebele. Batoli kuba koki to comprenete. Et si quand t'entanga. Kili naza na bakamara de bele kasi soki na zangi nazale susule lokote babendani baki musika eh. Parce que l'intérêt n'était que le matériel mais avec toi Yahweh Yahweh c'est le vrai amour bolingonayo immuable amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami, je suis comme la saris n'a pas au côté langaté. Batonios mokli bakumi quand on ganga. Mais tu as attendu ma mort parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh angonalobie. tiki balabalanko e Maningana ngaya motema e Asu do lakate Achi kakate ba olu bajaka eligiana ye ye Jésus mon meilleur ami est ma consolation de tous les jours. Jésus, Jésus na. Bolingo na biso ya ya. C'était Tania encore avec ses belles voix qui nous chante en lingala aujourd'hui. Hein. C'est en plein lingala, Congo, maintenant que la France est partie de l'Afrique. On va être pour enfin écouter l'Afrique. Voilà. Et allez-y, oui, monsieur. Pourquoi les Africains, ils aient la France? Oui, allez-y, tous... expliquez-nous. Il y a des enfants, je pense aux enfants, des enfants... qu'ils ont laissé là-bas. Je connais bien le français. Le premier boulot que j'ai travaillé ici, c'est dans une banque portugaise. Tous les salopards qui sont venus d'Angola, des criminels qui ont fait du mal à Angola, à Cap-Vert, à d'autres pays, j'ai bossé pour eux. Et à un moment, j'avais honte. Ils me disent, pourquoi tu fumes? Va te faire foutre. Il y avait un qui était... j'ai arrivé après lui, c'est affossé, il foutait rien. Je vais passer mon temps à travailler, j'ai le suivi. Il s'est marié dans une fête que j'ai donnée. Une fête fin d'année, j'aimerais bien le voir. Parce qu'il m'appelait toute une tête de nan. Quelqu'un qui nous appelle en direct. Oui, allô? Oui. Allô, allô? C'est qui? Attendez, je vais mettre en direct. Vous appelez la radio? Attendez, vous passez en direct à la radio. Vous entendez là? C'est la radio Metanoia. Vous êtes qui? Jason! Wow, attends, Jason, c'est super de t'avoir ici. Attends, Jason. Je sais pas comment t'es passé en direct, par contre, là. Ça va, Jason? Ça va, Jason? Ouais, ça va. Cool, attends, laisse-moi voir, ben, j'essaye de te passer en direct, parce que j'y arrive pas. Mais là, j'attends toujours hier, en fait. Toujours hier? Ouais. Cool. Attends, mais je veux quand même que t'es passé à la radio, quand même. Parce que ça se passe bien, là-bas? Ouais, c'est bien, là-bas. Tu reviens quand, mon cher ami? Bah, oui, t'as besoin. Ouais. Ah, c'est Christiana. Oui, c'est moi. Ça va et toi? Ouais. Ça va? Ouais. Comment ça va, ça? Ouais, ça se passe. Ça se passe? Ouais. C'est bien, c'est bien. Tu te reposes bien? Ouais. Tu te reposes bien? Ouais. Tu te reposes bien? Oui. C'est bien, c'est bien. Ah, tu sors quand? Tu sors quand? Le 10 avril. C'est bien ça, c'est bien. Ouais. C'est bien, c'est bien, monsieur, c'est bien. Mmh. Allô, Jason? Ouais. Bonjour, c'est Isabelle, la secrétaire du CAC. Ouais, bonjour. Alors, tu vas bien? Oui, je vais bien. Apparemment, ça se passe bien. J'ai entendu là que tu jouais au billard. Oui, ça se passe bien. Tu fais d'autres activités ou pas? Hein? Est-ce que tu fais d'autres activités? Là, je joue au billard. Oui, mais est-ce que tu fais d'autres activités? Billard. Ah, tu fais que du billard, alors? Billard. Ok, c'est bien. C'est du billard américain ou du billard français? Ouais. Américain. Aujourd'hui, là. Non, là, maintenant, là. Oui, mais c'est... T'as plusieurs boules ou t'en as que trois? Hein? Quand on joue au billard, t'as le billard américain et t'as le billard français. Hein? Alors, je répète. Quand on joue au billard, là, tu joues au billard. Il y a combien de boules dans le billard? Beaucoup ou pas? Oui, beaucoup. Alors, c'est le billard américain qu'on appelle ça, je crois. Ouais. Ouais? Bon, tu manges bien? Tu dors je mange bien. Tu dors bien? Ouais. Tu prends les médicaments? Oui, oui, je prends les médicaments. Super. Bon, bah écoute, porte-toi bien. Oui. Et puis finis un bon séjour. Oui. Au revoir, d'accord. Jason. Au revoir. Jason? Oui. Bah, on j'espère qu'on va te voir bientôt à la radio. Hein? Tu viens quand à la radio? Tu viens quand à la radio quand tu auras fini de te reposer? Bah, je sors le 10 avril vers le 13, vers le 12. Ouais, d'accord. Le 12 avril. On va te laisser te reposer. T'es bien reposé là. C'est comme des vacances. Là, je vais devoir accrocher là. D'accord. Bon, allez. Attends, ça s'est coupé là. À bientôt. Hein? À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, Jason. Tu appelles quand tu veux. C'est un plaisir d'entendre ta voix. Hein. Est-ce que tu veux? Okay. Tu veux qu'on mette un morceau à ta musique? Ouais. Quelle musique tu veux qu'on mette? Edge of Great. Comment ça s'écrit? Edge of Great. Julien the Phantom. J'arrive pas à comprendre. Attends, on n'a plus. Edge of Great. Edge of Great. C'est comment tu écris Great? G-R-E. G-R-E-A-T. A-T. Edge. Comme E-E-E-D-G-E. Of Great. Edge of Great. G-R-A. Edge of Grey. Julien the Phantom. Edge of Grey, comme ça. Ouais. Ok, on va te mettre un morceau pour toi. On a un problème de connexion pour les binômes là, mais. Je sais pas ce qui se passe là, c'est une bordel. Attends, là, faut pas. Attends, on va voir si ça marche. On a vraiment un problème de connexion. Je sais pas pourquoi. Puisqu'on est en direct, on est. On est déconnecté. Connecting. Voilà, c'est bon, on est en direct. Voilà. C'est bon. C'est bon, on est en direct. Pas quelque chose. Ouais. C'est bon, on est en direct. Vas-y, mets la musique, j'entends. Ok, 17h déjà. Ça s'appelle Julien the Phantom, c'est ça, hein? Julien the Phantom, Edge of Great. Ok. On va te voir l'essai pour pouvoir mettre la musique. Et ouais. C'est pas grave, je vais voir si je peux faire autrement. Ouais, écoutez ta musique, d'accord? Ouais. Ok, si ça passe. Attends, Jason, tu nous appelles après, on va mettre ta musique. Hein? Tu nous appelles après. Quoi? Attends, écoute, tu le dis. Tu nous appelles après, on va mettre la musique. Ouais. Parce que sinon, on doit déconnecter ta voix pour pouvoir mettre la musique. À tout à l'heure. J'entends pas la musique, là. Ouais, ça va, ça arrive. Attends. Attends, Comment tu mets la musique avec sa voix? Mais c'est un problème. Non, c'est déconnecté, ça, c'est un problème. Mais vas-y, Xana, tu peux parler? Quand tu seras bien reposé, tu vas venir nous voir. Tu vas venir nous voir. Peut-être me connecter à ton. T'as dit quoi? Ton téléphone est là. Attends, ça, merci. C'est moi qui me suis dit. C'est ton papa. Voilà. C'est bon, c'est pas bon. C'est mon cher. Oui, c'est ça, super. Tu veux une cigarette? Non, il ne fume pas, monsieur. C'est mon problème, je suis en train de jouer. J'ai arrêté de jouer. Comme Oui, ben on a un problème technique comme d'habitude, mais là on revient. Heureusement que. Parce que là, ils sont tellement peurs des attaques informatiques à l'hôpital qu'ils nous coupent tout le temps le réseau. Donc on va mettre la canción Edge of Grey pour Jason là. Si ça marche, Jason, tu nous dis, si tu écoutes. Hein. Tu entends Jason ou pas? Like a rubber ball, voilà, il faut que tu te connectes à la radio là sur Pinot.org parce que je veux pas mettre les micros. Ta musique de. Tu te rappelles qu'on mettait ça à l'hôpital de jour? Ouais. On mettait cette musique à l'hôpital de jour? Oui, on faisait des délires à l'hôpital de jour, on a mis des musiques de Disney. Tu te rappelles? Au revoir. Salut Jason, merci de ton appel. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Allez-y, messieurs, et allez-y, on est sur Metanoia, on a un petit problème technique, on est de retour là. Allez-y. D'habitude, j'ai pas de patience. D'habitude, j'ai pas de patience. Je perds pas mon temps avec des connards. Vous comprenez? Ouais. J'aime pas perdre mon temps avec des connards. Eh oui. J'ai assez dit que j'ai gagné 1 million d'euros, qu'ils aillent se faire mettre le doigt où ils veulent. C'est mon argent. Ouais. Je me lève à 7h, 6h, quand je veux, je fais mon jogging. Ok, ok, ok. Là, il y a Tania qui se prépare. Est-ce que vous voulez passer un message, Pierre, comme ça, un message? Pas, peut-être pas de tristesse, un message de joie aussi. Non, je suis très content de moi. J'aimerais voir mes deux sœurs. Je crois oui. Il a la deuxième nièce que j'ai. Ça me ferait très bien de le voir aujourd'hui. Parce qu'ils savent, jusqu'à bon, ils me connaissent. Je rigole pas. Ma mère me disait, je paye pour tout. Vous comprenez, j'ai l'argent suffisant pour donner un fou au second cas, c'est où qu'il faut. Je n'ai rien foutre. J'ai toujours respecté la France. Un jour, il y avait un policier qui était dans son tour, que je suis fier de vous. C'est un grand pays. Mais quelques temps après, il y avait une manif. Je ne sais pas ce que j'avais. Si j'étais, j'ai pris le micro, j'ai dit, votez. Votez Le Pen. Je me suis venu pour moi dire ça. Et maintenant, qui c'est le deuxième parti en France? Qui c'est? Oui, c'est là, c'est pour moi. Si tu dis parles de Le Pen, là, ça va pas. Ça va pas, non. Je vous parle de Sarkozy. Ah, Le Pen, tu la détestes. Je vous parle de Sarkozy. Sarkozy est mieux. Sarkozy, c'était un. Il prenait pour un grand, mais. Il a fait sa femme cocu avant de connaître la chanteuse. C'est sûr et certain. Et vous êtes pour Le Pen, vous? À un moment, je crois qu'elle va gagner l'élection. Moi, j'ai rien à secouer. Je pars chez moi. Aussitôt qu'elle va faire encore un tour, je disparais. Après, c'est votre problème. C'est pas le mien. L'Europe de 27, là, quand vous avez commencé à faire, dans la banque, j'ai dit, ça me rappelle le film de 12 salopards. 12 salopards. C'est l'Europe qui s'est offert à 12. Pour que nous, on n'ait rien, nous, Africains. Mais l'Afrique du Sud est là. À faveur de Poutine. Bon, je suis un peu fatigué là. Vous parlez de Le Pen. Le Pen, c'est pas. Bah, tout le monde dit qu'elle est raciste, même son père. Sa fille, elle a dansé avec Poutine. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit, mais j'ai vu Mitterrand une fois, au réveil en Afrique, le président a donné sa femme. Première fois que je vais danser Mitterrand. Vous comprenez? Vous êtes quoi comme pays, vous? Cap-Vert. Cavardien. Je fais ce que je veux chez moi, je vous jure. J'arrive, on va me chercher, soit je vais à l'hôtel, c'est à cause de mon argent. Je fais ce que je veux. Ils veulent tout savoir qui j'ai donné plus d'argent. Ma famille, ils me font honte. Excusez-moi. Là. Qui vous fait honte? Quelques gens de ma famille, ils me font honte. Ah, les gens de votre famille. Je peux vous dire, je ne peux pas vous dire parce que c'est très intime. Mais honte, vraiment. Ça fait 2 mois. On est en mars, 3 mois que je viens de Cap-Vert. Je n'ai pas pleuré. Mais arrêtez de pleurer. Pensez à quelque chose de joyeux. À mon fils. Ah mais arrêtez de pleurer. Pensez. Il y a des choses jouées dans la vie, je sais pas. C'est Le Pen qui fait pleurer. Ouais, ouais, c'est ça, c'est Le Pen qui fait pleurer. C'est la fille. C'est à vous. Moi, je comprends qu'on a. Il va être président. Il était bien où il était avant. Connard de merde. Oui, sont tous un peu de connards quand même. Mais Fofana, est-ce que tu peux nous jouer un peu la musique pour passer les moments amers d'entendre ces noms un peu comme ça? C'est pas ma faute que Marine Le Pen. C'est pas ma faute. On est passé à un espèce d'ouragan. On a entendu des noms bizarres dans la radio, imprononçables, voilà. Mais on va changer. On va changer. Il y a, comment ça s'appelle je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Tania, tu vas sortir une musique. Tania, présente ta musique. Attends, laisse-moi concentrer, s'il te plaît. Attends, oui. Vas-y, parle. On va parler de l'Open. Oh non, non. La fille. C'est vous, alors. C'est... Alors, attends, Christina, tu peux dire autre chose pour passer à... Allez, parler de Macron. La retraite, c'est le président de Macron. Non, ça marche. Allez, parlez, mais ne le posez pas par terre. Non. Allez, parlez de Macron un peu. Oui, je viens de revenir. Dans la politique, c'est pas de ma faute. Je veux pas vivre ça, politique. Chez moi, je veux bien savoir qui commande. Vous savez, le directeur de la CAM nationale, après, c'est tout petit. J'ai connu la mère de mon fils. Chez lui, quelle misère, je vous jure, quelle misère. C'est après que j'ai compris. Ils n'avaient même pas de quoi mettre par terre. Aujourd'hui, c'est l'homme plus gros que je peux faire. C'est pas normal. Ça, c'est Tania pas normal. Va chanter une musique. Tania va chanter une musique de Seigneur. Merci au Seigneur pour Tania. Faut pas mettre le micro par terre comme ça, parce que sinon ça fait trop de bruit. Oui, vas-y. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Okay. Ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Je dis viens, esprit de révélation. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Je dis viens, esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, de toi. Viens, esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin. Viens. Oh, viens. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Je proclame que quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Le Saint Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Magnifique chanson de Tania. Maintenant, on va mettre. Attends. Super, merci Tania. Et alors, maintenant, on va passer à écouter un peu dans un autre style, Christiana, qui va nous faire un trio avec Iggy Pop et Edith Piaf, c'est ça, hein? Ouais. Attends, on va écouter un peu, je te passe les casques si ça marche. C'est pas ça, attends, il y a encore le. Je sais pas, je suis parti. Les gens comme ça. Oh, qui me prend dans ses bras, qui me parle tout bas, je vois la vie en rose. Quand que je l'aperçois, mon cœur, tu joues. Je vois la vie en rose. Et bravo Christiana, ça c'est un entracte de ce qui va être notre émission de Schizophonia lundi prochain, où il y a Christiana qui nous chante, c'est sous les accents de Rose. Tu peux nous raconter un peu ce qu'on a fait sur les roses là? Ben, on est parti voir des gens dehors, on leur a donné des roses. Comment tu as senti la réaction des gens avec les roses? Il y avait un monsieur, il était un peu bizarre. Oui, qu'est-ce qu'il faisait de bizarre? Il nous a dit, oui, vous en Afrique, vous avez 4 femmes. Alors j'ai dit, monsieur, je ne suis pas africaine, je suis antillaise. Et ça ne me regarde pas si les femmes, en Afrique, ils ont 4 femmes ou je ne sais pas. Oui, monsieur, il m'a dit ça. Attends, pas micro, s'il te plaît. Bienvenue déjà, hein, Métanoïac. Bienvenue, madame. C'est quoi votre prénom, j'ai oublié. Aïssata. Aïssata, bienvenue Aïssata. Bienvenue Aïssata. Oui, bonjour, bienvenue. Enfin, on sait. Oui. Toi, c'est comment? Christiana, enchantée. Oui, pour les Européens en tout cas. Moi, je travaille dans le social. Hein. Pour eux, on est. Enfin, les Chinois me disent qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Alors que pour nous, enfin, en tout cas pour nous, pour moi, tous les Chinois se ressemblent. Ils disent qu'ils sont vraiment différents. Et il y a plein de gens, les Européens, c'est pareil. Quand tu nous vois, enfin, antillais ou africains, pour eux, on est tous des Africains. Point. Et c'est vrai que... Ouais. quand, si tu es antillaise, tu ne vois pas. Enfin, il n'y a pas de polygamie aux Antilles. Chez nous, oui. Donc, tu passes ta route, tu dis, ouais, c'est pas important. Oui, mais tu as très bien répondu, Clistana. Bah oui. Mais vous, la polygamie, comme vous dites, la polygamie, c'est... Moi, mon père avait 4 femmes. Votre père avait 4 femmes. Ma maman était la deuxième. Ah oui, il faut ouais. Avec 4 femmes, ouais, avec une déjà, c'est quatre difficile. Femmes, avec 4 femmes, on était chacun dans la même cour. Ça se passe. Racontez, madame. Attends, il y a le passage. Je laisse les passages. Oui, c'est bon, les gens sont passés là. Oui, mettez plus proche. Voilà. Après Farouk qui va nous chanter aussi. Je vais chanter en malienne. Oui, elle va chanter en malienne. Et Fofanata qui préfère la musique. Il faut que j'aille. Attendez, mais il faut. Attention avec le micro qui est comme ça par terre, parce que sinon c'est. Ouais, c'est pas grave. C'est juste pour la prochaine que. Enfin, pas tard. Bah ouais, c'est la religion, tu donnes ça. C'est la religion, oui. Chez nous, on est quand même un pays. Ah oui. Oui. Oui, mettez-vous à l'aise, hein. Ça va. On a les Maliens, ils ont toujours. Moi, je suis du Mali, t'as des doutes. Ils sont malins, les Maliens. Ouais, ils sont malins. Ils sont malins. Les malins. Non, c'est une blague. C'est un jeu de mots. Voilà. Okay. Ah, vous venez du Mali, c'est ça? Comment? Parlez au micro, vous venez du Mali. Je viens du Mali. Ouais. Mais ça fait quand même 38 ans que je suis là. J'ai passé plus de temps ici qu'au Mali. Okay. Ah, vous avez passé plus de temps qu'ici qu'au Mali. Qu'au Mali, oui. Oui. D'accord. Et vous êtes aujourd'hui, vous venez me voir, pourquoi? Et je viens en consultation avec Dr Héro. Ah, d'accord. Bah, c'est bien. Et votre mari, il a 4 femmes aussi? Ah non, moi, je n'accepterai pas ça. Bah oui, vous avez raison. Ça se fait, même mes copines qui sont au Mali, ça se fait de moins en moins. C'était nos parents. Bon, ça se fait encore de nos jours, même mes nièces. Normalement, je dis mes nièces, la génération de maintenant n'accepte plus. Ça se fait plus normalement. Mais, oui, parce que les femmes n'acceptent plus. Non, mais les riches, les hommes milliardaires du Mali, les hommes très riches, les hommes même modernes, les hommes normes, ça se fait quand même, hein, ça se fait encore. Oui, ça se fait encore. Et vous pensez de quoi, de l'excision? Ah oui, on parle de ça, on parle du peuple. Oui, on peut, allez-y. Vous pensez quoi de l'excision, chef? C'est pas bien. Par contre, c'est maintenant, ça a été aboli au Mali. Oui. Et maintenant, c'est interdit au Mali. C'est interdit au Mali. Il y a beaucoup de femmes ici qui sont venues ici, qui se sont battues. Je faisais même partie de l'association à Montreuil. Bon, maintenant, avec mes soucis, j'y vais plus. Mais il y a quelques années, il y a 10 ans, j'étais vraiment sur la tête avec d'autres femmes qui sont militantes à Montreuil, dans plein d'autres associations. Donc, on a pu gagner ça et c'est interdit au Mali maintenant. Mais c'est bien ça, c'est bien. Aboli, oui. Non, c'est une question. Mais ça se fait toujours, hein, en cachette. Ça se fait toujours, les grands-mères. Oui, même des femmes, des gens qui sont des Maliens qui sont ici, qui amènent leurs enfants en cachette. Bon, maintenant, après, ça dépend. Les jeunes enfants, on ne les amène plus parce que dans la PME, chez les médecins en consultation, ça peut se voir. Mais il y en a qui prennent leur fille de 10 ans maintenant, c'est toujours interdit, mais il y a plein de vieilles qui le font encore en cachette. Hein. Ah, ils font ça en cachette. Mais vraiment en cachette. Mais vous, est-ce que vous êtes épuisé, vous? Moi, j'ai chez moi, mes autres sœurs, on est 4 enfants. Oui. On est 3 sœurs et un garçon. Oui, oui. Moi, j'ai échappé parce que j'étais la doudou. Je ne sais pas pourquoi ma maman, elle m'a protégée. Mais sans savoir que ce n'était pas bien. Hein. Mais bon, elle n'a pas voulu que je subisse ça. Mais mes deux autres sœurs, oui. Oh, moi, j'ai échappé par chance. Ouais, parce que vous étiez la première, c'est pour ça. Non, je ne suis même pas sa première. Bon, la dernière qui est très gâtée, je ne suis ni la dernière. Je suis celle du milieu, mais j'étais sa préférée. Et ben, voilà. D'accord. J'ai eu cette chance de... Cette chance. Voilà. Et ouais, bah c'est bien. Ouais. Et vous êtes militante, vous militez pour... Oui, maintenant, moi, j'ai beaucoup de soucis. Non, je ne milite plus. Même la CGT, à mon travail, je travaille pour la mairie de Pantin au CMS. Demain, on a une forte réunion, mais moi, je ne milite plus. Les CGT, tout ça, j'y vais plus parce que j'ai mes propres problèmes maintenant. Je ne peux plus. Ça demande beaucoup de temps, ça demande... Bah oui. Bah oui, quand on a des problèmes, on pourtant, peut pas faire je tout. Peux, mes enfants, ils sont grands, mais c'est moi-même. Je fais pas bien dans ma tête, je fais pas. Oui, je, oui, j'ai, oui, plus le temps. Enfin, vous avez plus le temps. Pourtant, ils me disent, viens, ça va te faire du bien, mais... Bah, ça, ça je passe plus de temps dans mon lit, malheureusement, maintenant. Bah, oh, mais pourquoi vous passez votre temps dans votre lit? Vous avez vécu... Dès que j'ai du temps libre, je suis dans mon lit. C'est malheureusement, il faut, vous avez... j'arrive pas. Comment on peut vous dire ça? Vous avez qu'une seule vie, profitez de la vie. Je sais pas, invitez vos enfants à manger, à faire des petits repas avec eux, profitez d'eux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. De rester dans vos lits, c'est pas ça, vous gâchez une journée, vous voyez. Ouais. Je voyageais beaucoup, mais j'ai tout laissé tomber. Ouais. Mais parler maintenant, c'est juste pour dormir. Et manger. Manger, c'est un grand mot. J'ai pas beaucoup d'appétit. Là, il y a un autre micro là. C'est très intéressant ce que vous discutez, mesdames. C'est important. Non, mais je discute avec elle. C'est très bien, Christina. Tu peux poser des questions comme ça. Je suis le psy. T'es le psy, les psys. Le psy que. C'est le psy, les psys. Tu soignes à tous les psys de tous les services. Oui, de tous les services. Ouais. Ouais. Alors, vous, monsieur, allez-y. Vous voulez dire quoi? On avait arrêté. À Marine Le Pen. Non. Mais ah non, vous n'avez pas parlé encore de l'Open. Sa fille. J'en ai marre. Ok, on passe à Zemmour. Non, pas Zemmour non plus. On parle des... on parle pas de politique. Parlez pas de politique. Parlez pas de politique. Vous voulez pas chanter une chanson, monsieur, là? Après, je peux parler de Sarkozy. Oh non, pas de Sarkozy. On est clairement. Je préfère que vous chantez, mais bon, là, c'est moi. Là, vous avez... On est libre si on peut parler ce que veut, mais. Attends, sa femme. Je vois, comment ça s'appelle, je sais pas. Je crois que c'est une italienne ou anglaise. La femme de Sarkozy, je sais pas. Ah, c'est une chanteuse même. Il a recevé des valises de l'argent. De Liban. Mmh. Je sais pas si c'est lui ou c'est l'autre. C'est vrai. Les Africains sont trop cons. Ils achètent les pays européens pour les aider. Maintenant, la France est à la merde. Je sais pas comment ils sont. Je vous jure, ils ont fait que de conneries. Monsieur, vous êtes retraité ou pas? Je suis retraité. Ça fait au moins 5 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes retraité? Au moins 5 ans, entre 5 et 6. Vous travaillez où avant? J'avais l'éducation à tous les handicapés. Ah, vous avez le comment on dit ça? Comment on dit ça? Le truc pour handicapé, comment ça? Le... c'est pas le... La MDPH? MDPH. C'est pas ça, c'est... J'ai retouché la... Invalidité? Presque ça. Le micro. La RH. C'est pour les gens handicapés adultes. C'est quoi? La hache. La hache, je vais toucher la hache. C'est d'accord. Ça, oui. Vous parlez de ça? J'étais trop con. Vous étiez où avant? Vous travailliez? Vous étiez dans un foyer? Vous étiez où? Non, je ne travaillais pas. J'étais en sauvage. J'habitais avec ma mère. Ah, vous habitez avec votre mère? Quand j'ai arrêté de demander d'aide. Et votre mère est décédée, c'est ça? Elle est décédée, oui. Oh. Par à votre trame. C'est une femme vraiment. C'est pour ça que vous êtes très... Quand on parle de sa mère, oui. Oui, quand on parle de la mère, des fois ça fait de la peine. Ouvrez un micro s'il vous plaît, comme oui, ça on oui, peut écouter. Oui, je suis le psy, je suis. Christina, c'est la psy des psys. J'ai gagné l'auto. Ouais, je fais la psy, je remplace. Tu remplaces tous. Voilà, on démissionne. Christina, je remplace. Christina, tu es de service. Et toi, tu es suivi par quel. Tu peux prendre un micro. Moi, je suis suivi par Dr. Proca. Oui, mais je fais la psy parce que lui. non, mais c'est parce que Christina, il pointe les institutions psychiatriques, il les fait bouger en fait, parce que avec son besoin de liberté, bah oui, il fait que les choses bougent quoi. C'est ça hein, qui est important. Est-ce que quelqu'un d'autre peut parler? Farouk, tu veux parler un peu? Tu veux dire quelque chose? Chanter, des trucs? Toi, tu fais quoi de tes journées? Ben, je vais à l'hôpital le jour. Tous les jours? Non, sauf le jeudi. Poca. Il est venu aujourd'hui? Tous les jours, tu es à l'hôpital le jour? Oui, tous les jours, je suis à l'hôpital le jour. Okay, de quelle heure à quelle heure? Je commence à 9h et je finis à 17h. D'accord. Et les jeudis, tu fais quoi? Ben là, je vais au club. Il y a un club ici, là. Il y a un club. Mm-hmm. Venir au club, vous connaissez le club thérapeutique. Tous les jeudis, il y a un club avec Sabira. Et on va au club, on parle. Je peux? Oui, bien alors, sûr. Christiana est en train de parler du club thérapeutique qui est organisé par l'équipe infirmière de l'hôpital de jour, Samira. Et donc, le club thérapeutique, c'est les mercredis de 10h à 12h, ici, et les jeudis de 14h à 16h. Sachant que depuis quelque temps, nous avons un atelier spécial, histoire de voyager un peu plus loin, où l'on parle de livres, de photos, de films et d'images. Et le docteur Proca, c'est le médecin responsable de l'hôpital de jour. Proca. Elle vient ici juste pour des réunions. C'est elle. Proca. Proca. P-R-O-C-A. Portugal. Je suis allé 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans de... Salve. Okay. On travaille avant d'être handicapé. C'est ça que je veux savoir. Mais micro. Attends, qu'est-ce handicapé? J'étais en langue portugaise, dans le 8e. 8e avec une langue plus de Sotomayor. Dans une banque portugaise. Ah, vous avez. En face, quelqu'un qui s'appelle Poutizan. Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela. Minhas linhas voando, cheia de serói. Dada das cabeças quando rela nela. Partiu para o baile, fugiu da balela. Batemos tambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem canivete. As pate derrete que nem mussarela. Quente que nem a chapinha no crespo, não. Crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se armando. Uma, eu não faço o tipo de herói. Pate derrete que nem mussarela. Quente que nem a chapinha no crespo, não. Crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Quente que nem o conhaque no copo, sim. Pro santo tamo derrubando aquele orgulho que já foi roubado. Na bala de meia vai recuperando. Vários homem bomba pela quebrada, tentando ser certo na linha errada. Vários homem bomba, bumbum granada. Se tem permissão tamo dando sarrada. Seu rap é ruim, na rua não tem as andanças, porra nenhuma. Fica mais fácil fazer as tatu e falar sobre a cor da erva que fuma, raiz africana. Fiz aliança, ponta de lança. Um babara, uma de um jeito ofensivo. Falando que isso é tipo macumba. Espero que suma, música preta a gente assina. Funk é filho do gueto, assuma. Faço a trilha de quem vai dar dois. E também faço a trilha de quem vai dar uma. Eu não faço o tipo de herói. Nem uso máscara, estilo Zorro. Música é dádiva, não quero dívida. Eu não nego que quero o torro. Eu não nego que gosto de ouro. Eu não curto levar desaforo. Nesse filme eu sou o vilão 300. Rodrigo Santoro, eu enfrento, coragem eu tomo, me alimento nas ruas e somo, restaurante, bares e motéis, é por esses lugares que como, anjos e demônios me falaram vamos, vestido do louco nós fomos, a perfeição, a salvação, a rua me serve tipo mordomo, tô burlando lei, picadilha rock, quando falo rei não é Presley, olha o meu knife. Tô safadão, tô Wesley, eu tô bonitão, tá ligado, fei. Se o padrão é branco, eu erradiquei. O meu som é um produto pra inglês. Tipo Mary Kay. Tem música que fala do negro, tipo a qual se consegue pro ferro. Uma zima quente como Renessi, pra ficar mais claro, eu escureci. Aquele passado não me esqueceu. Aquele passado não me esqueceu. Aquele passado não me esqueceu. Às vezes eu acerto, às vezes eu falho. Aqui é trabalho igual Molici. A noite é preta e maravilhosa. Lopita Nyong'o. Tô perto do fogo que nem o couro. Eusébio, não me diz. Eusébio, a Benfica. E Juê, não me diz. Ponto de lança. Tô tudo com aquele bicho. Ça s'appelle comme ça, ponto de lança, cette morceau. Mais tu as un guerrier. Juê, c'est quelqu'un. Acho bon. Acho bon dit. Ah, du reggae. Tu veux voir un concert que tu as. Avec moi, ça. Ai, ai, ai. Quando eu havia gravada a Linhas de Soco, eu falei, puta, ouvi um bagulho desse. Aí eu gravei mais essa ainda. Ai, como é que fica? Valorizando a cultura do mestre de cerimônia no Rap BR, certo? Dando voar, Júlio Viação, Carlos Matão, Cartel, Ponto Taxi. Vou deixar esse papi. Vou fazer desordem. A Júlia é o que? J'ai les moyens. J'ai montré ma fiche de mon truc de la banque. Beaucoup de l'argent. Presque 1 million. Et maintenant, toi, c'est tout de suite. Ça n'a pas de problème. J'ai gagné 1 million d'euros. C'est quoi ça? Ma mère est venue en taxi pour le funérailles de sa mère, ma grand-mère, de Lisbonne à Pau. Elle est restée une semaine, elle est retournée en taxi. Pourtant. Vous comprenez? Oui, on comprend. Elle pouvait prendre l'avion avec moi. Elle m'a laissé tout seul. Si vous parlez de votre femme, là? Non, ma mère est partie. C'était moi, le garçon. Elle n'a rien dit, elle est partie. Ma grand-mère m'a dit, c'est toi l'homme de la famille. Votre mère et votre grand-mère. Ouais. Non, mais maman me dit que c'est reggae. Yeah. Malheureusement, il est mort trop tôt. J'ai le vu à Rotterdam. Tout le monde connaît les gens. Moi, j'étais avec ma copine. Avec ma copine, ça ne m'intéressait pas. À la moitié de l'espectacle, ils avaient un peu de retard. Ils ont allé fumer, ils sont revenus. Good to be loved. Put me love, put me love. C'est quoi dire? Toi, I love you. Notre chanteuse comment on dit ça, de la radio, elle va nous chanter une nouvelle musique avant qu'elle parte. Il y en a deux que je vais chanter. Celle-là et l'autre. The Worship Encounter. Tu es venu nous chanter des musiques. Vous parlez, on parle de qui? On va être qui? Vous parlez de votre mère, de vous, de votre femme, oui, de votre femme. Ça fait combien de temps que vous étiez marié? Ça fait combien de temps que vous étiez marié? Je sais pas. C'est cela. Je suis allé, ça fait 12 ans. 12 ans, non, pourtant, 2 mois. Je suis venu du Cap-Vert. Malheureusement. J'ai pas vu comment elle est morte. Comment c'était son enterrement? J'avais le moyen de dire stop à mon beau-frère. N'enterre pas avant que je vienne. Attends, micro. J'ai regretté de ne pas dire stop. Je viens tout de suite. C'était 14 matin. Parlez au micro comme ça. J'ai pas dormi plus de plus. avant quand le géant est mort, on porte le couleur rouge, marron, négro. J'ai mis comme ça, là. Cette couleur-là. J'ai mis une bannière. Blanc. Pas blanc. Non. Négro. Non. J'ai entendu ce, au Portugal. Oui, attends, il faut faire un attard. Super ta musique, bravo. Oui, on parlait quoi des ramadans là. Oui, qui fait les ramadans ici? Moi je faisais les ramadans à l'envers, je mangeais la, ouais, la journée, pas la nuit. Mais oui. Tu le fais? Moi aussi je le fais. Attends Tessa, tu peux nous raconter? Tu as appris ça comment? Tes amis ou tu es... Mais il est, ouais. Elle est d'origine. Je suis musulmane. Musulmane, oui. Et vous? Aussi musulmane. Aussi. Musulmane. Ça vient des Arabes. Algérie. Et vous venez où d'Alger? C'est où là, votre... C'est en Kabylie. Kabylie, d'accord. Ouais. Kabylie. Vers Béjaïa. C'est Béchlou, l'Alger. Je connais pas ça. Ah, je connais. Je suis allé jusqu'à Guinée-Bissau. D'accord. Afrique, je connais Guinée-Bissau. Parce que le Mali et l'Algérie, c'est ça le cas. Guinée-Bissau. Faut pas passer le micro sur la porte. Tessa, tu peux continuer un peu. Alors, Madame Tessa, oui, alors, à quelle heure qu'on doit manger pour le ramadan, le soir? Aujourd'hui, je crois que c'est vers 20h20 qu'on peut manger. Ouais. C'est pas combien aujourd'hui? Comment? Là, il est 17h38. On a encore 22 minutes d'émission. Et le matin, on peut manger jusqu'à 6h, 5h55, 6h. D'accord, et c'est pas trop dur pour vous, pas boire d'eau, rien? Non, ça va, on s'habitue. Ouais. Vous avez commencé à quel âge à faire le ramadan? Je crois que j'avais 11 ou 12 ans. 7 ans au moins. Ouais, ça dépend. Micro, madame, micro. Stagiaire. Tout le monde micro. Stagiaire. Au Mali, vous avez commencé à quel âge? 7 ans. Mais moi, à cet âge-là, on n'a pas trop la foi. Mes parents, ils étaient restaurateurs. Donc, à la maison, on disait qu'on faisait le ramadan. On allait manger avec les copines au restaurant. Et puis, on s'essuyait la bouche. Mais bon, normalement, c'est à partir de 16 ans. On essaye de nous mettre dans le bain à partir des 16 ans. 7 ans, pardon. Et le voile, vous avez porté à quel âge, le voile? Je ne suis pas voilée, mais... Pour le ramadan, et puis j'échoue en ce moment, je porte des perruques, ouais. Mais en ce moment j'échoue avec le... Mais bon, je porte le foulard, c'est interdit à mon travail. Hier, je l'ai mis, aujourd'hui aussi. Ils m'ont rien dit. En France aussi. Micro, monsieur. Micro. En France, vous n'avez pas le droit de mettre ça? En France, on le fait, mais dans la fonction publique, non. C'est interdit. Quand on a affaire avec le public, le voile... Vous avez quoi? Je suis secrétaire médicale dans un centre de santé. Centre de santé, municipal. Santé, oui, j'ai compris. Bon, Luana. Non, Luana, non. Avant Luana, il y a Elve, je ne sais pas quoi. La Belge. Il y a la Belge, la petite fille. Qui chante comment Là. Je m'appelle pour son nom. Je m'appelle pour son nom. Tania. Non. Elle chante bien. Hein. Angela. Elle a une super voix là. Non, elle chante très bien. La voix m'a amené. Il y a une musique. Les autres ne veulent pas parler. Ouais. Alors les autres n'ont pas parlé. Farouk, Daniel. Farouk est dans son dessin. Ouais. Farouk, vous adorez dessiner Farouk. Hein. Farouk, est-ce que quelqu'un peut décrire le dessin qu'il fait Farouk là? Parce que tu dessines au micro. Vous pouvez le décrire au micro. Il dessine grave bien. Pou, pou. Je fais un visage. Qu'est-ce qu'il dessine Farouk? C'est un visage. De qui, je ne sais pas. Ben, la fille que vous a dessinée, là, avec le sac... la couverture du journal, oui. Mm-hmm. Ah. Madame, tu me dédicaces, hein, si c'est moi. C'est qui, Farouk? Il a fait un homme. Mais tu peux le refaire. C'est pas grave, c'est un homme. C'est pas un homme. Si, c'est un homme. C'est devenu démodé, les hommes. Hein. Alors, Farouk, à chaque séance, il dessine des choses magnifiques. On peut écrire un dessin. Farouk, vous à quel âge vous avez commencé à dessiner? Au micro, Farouk. Entre une femme et un homme en même temps. Elle a la casquette. Je sais pas, 7 ans, peut-être 6. C'est bien ça. C'est là-bas. Non, c'est les pattes, c'est pas la barbe. C'est les pattes. C'est le prolongement des cheveux. Alors aujourd'hui, vous avez dessiné un homme. Vous adorez le dessin. Non, merci. Elle a une moustache. La moustache ? C'est pas une moustache. C'est les lèvres. Micro, monsieur. C'est comme ça que c'est les lèvres. Les lèvres bien, pour le pose. Les très fine. Moi j'aime le fricard. Ah, bah regardez le dessin en dessous. Farouk, tu as pris des cours de dessin ou pas du tout? Non, pas du tout. Autodidacte, comme on dit. Voilà, c'est ça. Bien. Parce que, voilà, je l'ai vu celui-ci, il est magnifique. Angèle. Oui. Ah bon. Micro, Mister. Micro. C'est Angèle. Faisez voir. Le dessin là, c'est une fille ou un garçon? Ah, une fille. Là. C'est une fille. Je suis très jeune. Angèle, c'est ça. C'est magnifique. Hein. Vous dessinez très bien, Farouk. Merci. Personne ne connaît Angèle. On vous a dit que vous dessinez bien? Ouais. Micro! On n'entend pas. Oui, c'est on entend. Ouais. Oui, pardon, c'est moi là, vas-y. Ouais, on me l'a déjà dit. Vous faites beaucoup de dessins avec Noémie le vendredi. Je vous vois dans le journal du vendredi. Pas tant que ça, mais quand je viens, je dessine. Votre passion, c'est le dessin alors? Non. C'est quoi la passion alors? C'est rien. Ah non, vous avez quand même une passion. Non. Vous dessinez pour qui? Quand vous dessinez? Pour passer le temps. Passer le temps, bah oui, ça se voit. Sinon, vous n'aimez pas le dessin? C'est bon. Si, mais je suis pas très fort, on va dire. Ah, c'est vous le dites. Hein, mais moi, je pense que c'est très fort. C'est très bien le dessin, Farouk, c'est magnifique. C'est une femme avec un trait de crayon noir. On n'arrive pas à bien décrire, mais c'est magnifique. Allô. Oui. Allô. Allô. Oui. Tu peux continuer à prendre le micro. On va mettre un peu de musique aussi pour continuer. Chico Science, Nassan Soumbi. Comme je disais tout à l'heure, je suis né Cap-Vert. Vous êtes nos cadeaux. Ah oui. Non, mes copains, capitaine Memoureux, j'ai faute. 20 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quel âge? 66 ans. En fait, imaginez, 5 ans, j'arrive à Lisbonne. À Lisbonne, c'est ça? À Lisbonne. Chez moi, les filles. Mais mettez le micro, parce que je veux pas que je vous entende. Vous avez dit quoi? J'ai mis les bidons de caca pour aller acheter. C'est triste, hein? J'arrive à Lisbonne. je vois la télé, je vois les émotions. Il met pas de micro. Je suis pas portugais. Quand on s'est joué à volant, comme ça, il faut mettre les micros. J'ai marqué des buts. Voilà. J'ai aucun joueur. Les mecs qui venaient, ils faisaient comme ça. Toujours. Ça, c'était dans les équipes. C'était en quelle année, ça? C'est l'année de la Bernard, c'est pas bien. 75. Je vois, c'est 75. Là, j'ai compris que. Innocent, ma mère m'a dit: tu restes ou tu veux venir? J'ai dit: je reste. J'étais allez, maintenant, autour de Tania, va nous chanter une musique. T'as eu, Tania? J'ai 23 ans. Ah, oh, mais vous en avez. D'accord. Oui. Du Mali, comme moi. De mon même pays que moi. Vous venez du Mali, tout matin. Oui, je viens du Mali. Et vous, alors, vous faites quoi? Vous faites des études? Vous faites quoi comme métier? Moi, je fais rien maintenant. Pour l'instant, moi, je fais rien. Pour l'instant, vous faites rien. Rien. Fais de la musique. Oui. C'est toi qui as amené les instruments? Non, il était là. Ah, d'accord. Et c'est pas fini, Fatoumata? Danser, chanter? Danser. Ouais, je sais pas ça. Tu sais danser, toutes les Maliennes savent danser. Oui, c'est ça. Ah, tu préfères jouer? Oui, moi je danse. La musique. Hein? Parents? Ta mère et ton père. Mais ils sont au Mali. Attends, parle avec le micro. Demande le micro. Ils sont au Mali, tes parents. Oui. Pourquoi? Il a quel âge? 23 ans. Voilà. Ça fait combien de temps que tu es en France? Hein? Ça fait combien de temps que tu es en France? Presque 5 ans ou 4 ans. D'accord. 6 années? 5 ans. 5 années. Tu habites Bondy? Non, maintenant j'habite à Kasha. Tu avais 17 ans quand tu es venu. 17 ans, c'est ça, ou 16 ans? Mais non. Mais non, elle est là, ou 4 ans. Elle avait 20 ans. Elle était déjà majeure. Elle était 23 ans. Oui, elle a 23 ans. 19 ans, elle était majeure en tout cas. 19 ans, oui, majeure. En France, c'est 18, je ne sais pas, au 21. Fatoumata chante très bien. Ouais, Fatoumata, s'il te plaît, chante-nous. Sidiki Debaté. Non, t'es fan de Sidiki? Oui, c'est ça. Allez-y. Allez Fatoumata, nous chante-nous une musique. Aladjianemo, c'est un jalabila. Madonna. Madonna ya, Aladjianemo, Madonna. Mojianemole, Amalakanjianemole, Ibawanjianemole, Barubajianemole. Mama kunta janye mole sate jalabila imaruna igerena natushe alajanye mole bife igerena natushe alajanye mole bife. Fatoumata, elle a dit c'est une chanson d'amour. Bife, ça veut dire je t'aime en malien, en bambara. Ah oui. Sidiki, Diabaté. Vous pouvez le traduire, s'il vous plaît? Traduis-le, madame. J'appelle madame. Ah oui, laisse ça, Fatoumata. Alors, ça parle de quoi, la musique? Ça parle d'amour. Sidiki Diabaté, c'est un jeune chanteur malien. Oui, oui. De sa génération, en tout cas. Oui, oui. Il chante que des... Moi, je suis son papa, c'est mon ami. Ah! J'ai la photo. Tu veux voir la photo de Sidiki Ladiawat? Son papa était un grand artiste, choriste. Vous connaissez alors? Non. Les vous... Mali, c'est une petite maison. Ah, vous, mais connaissez, vous connaissez le papa du chanteur? C'est ça. C'est mon ami à moi. Ah, c'est bien ça. Ouais. Docteur Hérault, vous venez nous voir aussi? Je viens chercher Madame Sangaré pour une opération. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est une vraie fille, elle m'a fait pleurer. Vous pouvez la parler? Ah, elle m'a posé des questions. Elle est grande. Oui, je suis grand, oui, je suis grand. Tu veux, je suis... Bonne année à tout le monde. Hein. Mais arrêtez, je suis venu. Je vous remplace, je suis psy maintenant. Oui, bah allez-y, ouais. Faites parler de vous, on a besoin, oui. Mais quand vous allez prendre votre retraite, vous prendre votre place. Ah, si vous voulez, oui. Il y en a d'autres qui la prennent et puis ils n'ont peut-être pas vos compétences, je veux dire. Ah, ouais, bah, au moins, vous, ça va vous depuis la semaine dernière? Bon. C'est bon. Dune, il y a Dune qui est avec moi. Ouais, Dune, bienvenue. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je ne suis pas en retard, mais je vous dis pas. Si, je suis en retard. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez pu échanger, comme et d'habitude. Si le problème, c'est moi. J'ai mal là. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que. Voilà. Vous avez mal au dos? Je dors dans une chambre de merde, excusez-moi. Ah. J'ai le moyen de. Prenez les micros bien. J'ai le moyen de dormir chez moi tranquille, mais malheureusement je peux pas. Je vous connaissais pas. Je vous dis pas pourquoi. Vous me connaissiez pas? Je vous dis pas pourquoi que je suis pas chez moi parce que ouais. J'ai déjà tout à l'heure dit. Faut pas répéter les choses. D'accord, d'accord. Une pute, c'est une pute. Excusez-moi l'expression. Non, j'ai pas dit à Pigalle. Oui. C'est là qu'on va chercher les femmes de joie. Excusez-moi, j'ai dit de plus, mais excusez-moi. Non, mais écoutez, je vous écoute, il n'y a pas de problème. C'était la mère de mon fils, quand j'étais à l'ambassade de Cap-Vert, elle n'arrêtait pas de m'appeler, pas d'appeler. Mon Dieu, on va loin, là. On va, c'est vrai que vous avez déjà parlé de ça, alors Dune, on va vous écouter d'autres choses, là. J'étais à l'ambassade parce que... Allez-y, Dune. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le printemps... Les fleurs commencent à donner leurs odeurs délicates. Ça, il y a une sorte de chaleur qui commence à se lever tout doucement. Et j'espère que dans les cœurs, c'est un éveil aussi, comme la nature, que les soleils et les cœurs vont se réchauffer. Vous savez, Madame June, on a changé l'heure. On oui. est bientôt à l'heure d'été là. Oui, on est passé la semaine dernière à l'heure d'été et ça avait été créé dans les années 70 parce qu'il y avait eu une crise pétrolière. Et en fait, je crois que c'était Giscard d'Estaing, le président qui était en poste, qui a décidé que ça serait ponctuel. Voilà, je me souviens bien. Et en fait, c'est resté puisqu'aujourd'hui, voilà, semaine dernière, heure d'été. Voilà. Voilà, on pourrait l'appeler heure du printemps, là. C'est plutôt le printemps. Ah non, arrêtez avec la politique. Non. Arrêtez. Il nous a parlé tout à l'heure, c'était Macron, après c'était... Carton jaune, monsieur. Je vous parlais de belles choses, justement, pour que ça puisse vous détendre, parce que vous êtes encore dans vos problèmes, dans vos têtes. C'est un espace ici qui vous permet justement de déposer vos valises. Je sais que vous êtes fort, vous êtes très très fort, et que psychologiquement, vous allez continuer à vous battre. Et que si vous répétez des choses comme ça, c'est qu'elles vous envahissent. C'est le meilleur endroit de ma vie, je vous jure. Elle a volé. Elle doit pas faire, je lui dis tout de suite. J'aime pas qu'on se mêle mes affaires. Ah, vous aimez pas qu'on se mêle. Mais c'est je pense que tout le monde, en fait. On veut aller au restaurant, au même couloir. C'est pas mal. Alors là, c'est des questions qui sont personnelles. Votre vie, c'est personnel. Oui. Et en fait, vous êtes, comment dirais-je, il y a beaucoup de choses dans votre tête. Dis pas. Il y avait beaucoup de choses dans votre tête. On parlait du printemps. Là. On parlait du printemps. Des petits oiseaux. de l'envie de continuer. Mon petit nouveau. Que à 20h, on peut rester plus longtemps dehors. Oui, effectivement. Parce que le soleil est là plus longtemps. Victor Hérou, vous voulez dire quelque chose ? Oui, merci, Macha Béranger. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver sous les traits de Dune. Mais vous avez tous reconnu Macha Béranger, la revenante. Non, pas Macha Déranger, Macha Béranger. Merci. Au revoir, madame. Bonne journée. Je vais l'opérer. Donc, oui, heure d'été. Et profitons-en parce que le temps est plus long. Et que, en général, les gens sortent plus. Le lien social se rétablit. Nous étions au chaud. Excusez-moi, je vous coupe. Vous savez combien d'années il ne pleut pas au Cap-Vert ? Ça fait, j'étais là, un an et demi. Non, 2 ans. 2 ans et, 2 ans et quelques mois. Ça faisait très chaud. Oui. Mais je mettais jamais le masque. Ma petite nièce m'a dit, tu viens chez moi, j'appelle les flics. J'ai dit, putain, je vais donner l'argent à ma femme, à ma... Ben, dans ces pays chauds, c'est normal que la pluie, en fait, ne vienne pas parfois. C'est des régions qui peuvent être désertiques. Et donc, moi, je me souviens, par exemple, quand j'ai fait mon premier voyage au Sénégal, et quand j'y repense, ça me fait sourire. Eh bien, je me demandais où était le chauffage. Comment les gens pouvaient chauffer. Ça, c'est des questions qui m'ont... C'est une question qui m'a traversé l'esprit. Bah oui, mais peut-être qu'il ne peut pas chauffer parce qu'il fait trop chaud, il n'y a pas mais de chauffage. Mais oui, mais sauf que c'était la première fois que j'arrivais et j'ai compris qu'en fait, les saisons n'étaient pas la même. Voilà. Il y a la saison d'été et il y a l'hivernage. L'hivernage, en fait, c'est la période où, en fait, il pleut beaucoup, l'air est plus humide, et pour eux, c'est l'hiver. Enfin, c'est l'hiver. Alors qu'en fait, pour nous, il fait très chaud déjà. Moi, j'ai fait à monsieur mettre une petite laine en me disant, demain, il va faire froid. Et quand je suis sortie le matin, j'avais préparé une petite laine. Et là, je me suis rendu compte qu'il faisait très chaud. Il faisait très chaud avec des fleurs. Mais le monsieur, le gardien, je lui dis, mais vous m'avez dit qu'il ferait froid. Il m'a dit, mais il fait froid. Alors, je me suis amusée parce qu'en fait, voilà. Attends, nous, on est dans une... Comment ça s'appelle Non, ce sera pour la prochaine. Vas-y, 20 minutes, envoyez un message pour tous les radio-écouteurs, là, un message de paix, de joie, à santé. On a 2 minutes pour finir notre mission de métanoïaque. Christiane, vas-y. Bah, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et vous me souhaitez quoi ? Je vous souhaite la sérénité, la paix dans le cœur, un apaisement pour tous, des sourires par milliers, un combat personnel mais qui vous élèvera. Et dire beaucoup de choses, monsieur, des choses beaucoup, là, à dire. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie, et une très bonne santé. Oui, une très bonne santé. Que tout le monde aille bien. La santé, c'est essentiel. Oui. On peut avoir tout l'argent du monde, on peut avoir des biens matériaux partout, mais si on n'a pas la santé, eh ben, on ne peut rien faire. Ah, et la joie. Ah, il faut beaucoup de joie. La joie de vivre. La joie de vivre, de danser, de s'amuser. De chanter. Oui, de chanter aussi. Tout à l'heure, j'ai entendu des chants dans le couloir. C'était magnifique. On aurait dit une sirène. C'était magnifique. Vraiment sublime. Et c'est ça, en fait, la radio. Les gens se révèlent. Les gens osent. Il se passe quelque chose dans cet espace. Il se passe des choses qui rappellent... Attends, moi, je veux dire un truc à Dr Serra, 5 minutes. Bah, Dr Serra, je veux dire quelque chose. Merci de m'avoir aidé quand j'étais enfant. Merci de m'avoir aidé, de m'avoir soutenu. À cause de vous, je dessine. À cause de vous, vous m'avez fait dessiner. Exprès. Voilà ce que... Merci de m'avoir mis à l'école. Merci. Mmh. Merci de... À cause de vous, j'ai évolué, j'ai changé. Merci. Au-delà de toute espérance, c'est une grande fille maintenant, hein, une artiste même. Oui, une artiste. Bon, je fais ma chronique gastrosophique, je sais pas de quoi parler. Donc, c'est la période du jeûne musulman. Donc, on ne parle pas d'alimentation, on parle quand on ne mange pas. Oui. Parce qu'on jeûne. Vous voyez, c'est une preuve de quelque chose. Oui. Une preuve de, je sais pas, de loyauté, une preuve d'amour, une preuve de foi, une preuve de résistance à des choses qui nous taraudent, la faim. Et c'est peut-être aussi intéressant parce que le corps, de temps en temps, a besoin de se reposer de tant de bouffe qu'on s'ingurgite. Il a besoin de ne pas travailler. Et vous, donc c'est bien d'avoir un peu faim, parce que les chrétiens faisaient pareil, mais c'était le vendredi. Et, les musulmans, ils tiennent la route là-dessus. Vous faites pas. Et ce qui est bien quand on n'est pas musulman, c'est qu'on est invité à table le soir. Ah, vous êtes invité à table alors. Et on mange des tas de trucs très bons. Il y en a beaucoup souvent. Vous voyez, on dit tiens, sers-toi encore. Vous êtes invité à table, vous êtes invité. Ah oui, on y va, ouais. Vous êtes invité à table alors. On m'invite à table. Ouais. Donc voilà, vive le jeûne pour qu'on puisse continuer à bien manger. Merci. Merci, docteur Serra. Bon. Le docteur Serra nous a fait un joli message de tolérance, d'humanisme, et ce message est très touchant. Ce message est très touchant parce que justement, il faut penser aux certaines communautés qui justement se rattachent à des choses qui sont importantes pour elles, et le partage surtout. Voilà, comme vous disiez, les gens sont invités, pas pour des raisons religieuses, c'est le partage. Et le partage de sourire et de bien-être et de bienveillance. Merci beaucoup, docteur.